c'est la mort aux trousses, le podcast qui... Bonsoir et bienvenue à la mort aux trousses, jour 28 du confinement. Jour chien. Aujourd'hui chez Pâques. Comment vas-tu, Marion? Ça va bien. Oui. Marion, elle a enfin mangé et cuisiné d'abord, mais ensuite mangé de gigot. Il était comment ce gigot, Marion? Ah, je sais pas, tout de même. Il était délicieux. Ah, voilà. Mais c'est toi qui a bavé toute la semaine, donc. Oui, c'est vrai. Ça va. Bah, écoute, finalement, c'était rien à faire. Hein, ouais. En fait. C'était pas mal. Ouais. On a mangé gigot. On a mangé patate, on a mangé haricots verts, on a mangé chocolat, fraise, mais aussi chocolat, chasse au chocolat, enfin aux œufs, dans la maison. C'était incroyable. Ouais. Enfin, dans l'appart. Voilà. Et il y a du rab en plus, et ça, c'est encore plus merveilleux. Et il y a du rab, donc on va se péter le bide ce soir aussi, ça va être d'autant plus incroyable. À part ça, ça va? Oui, ça va. Je me sors de la sieste là, donc ça va mieux. Ouais. Voilà. Ok. Parce que travailler un gigot, c'est. Oui, bien sûr. C'est du taf. Et moi, puisque tu demandes, bah, ça va super aussi. Hein. Manger un gigot, je t'ai défoncé au Scrabble. Défoncé. 4 points de différence. 2 points, ouais, 4 points. Ouais. Mais c'est déjà 4 points de prix. Ouais, voilà. Voilà. C'est une chose que les Allemands n'auront pas. Et aujourd'hui, on a décidé de traverser l'Atlantique. Parce qu'on n'a pas encore vraiment touché le continent américain. Américain. Et aujourd'hui, on va au Canada, on va à Montréal et on lâche un col. On lâche un col à Valério. On l'appelle de suite. Allô, Toulouse. Oh, salut. Wow, ouais. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, nickel. Est-ce que tu peux te présenter, Valério, dire qui tu es un peu? Alors, mon nom est Valério. Mm-hmm. Je suis présentement dans mon lit. Yes. Je me lève. Ok. Et donc je vis à Montréal depuis 3 mois, depuis janvier. Ouais. Et j'ai reçu l'appel de Claire et sa copine. Et sa copine. Ouais. Et alors attends, parce que tu vis à Montréal depuis 2-3 mois, mais tu as déjà vécu avant. Oui, j'ai fini mes études là-bas il y a 5 ans. Mm-hmm. 5 ans, j'ai commencé à faire des études là-bas et j'ai fini il y a 3 ans. Ouais. Il y a 3 ans d'études là-bas. Je suis revenu en France faire une petite expérience française avant de repartir et je suis reparti donc en fin d'année pour m'y installer définitivement. Ouais. Et tu as fait des études de quoi? J'ai fait des études en aéronautique. Je suis plutôt spécialisé dans ce qui va être propulsion des avions et essais des avions. Et toi, tu t'y connais vachement bien en avion, du coup. Jean-Michel aime les avions. Jean-Michel aime les avions, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Jean-Michel aime beaucoup les avions. Jean-Michel adore les avions. Jean-Michel est un grand ouf des avions. Ouais. T'as toujours aimé les avions comme ça ou, je sais pas, ça t'est venu un jour C'est une bonne question. Ça m'est venu assez tôt, ouais. Ouais. Ça m'est venu assez tôt, ça a commencé par pilote, et puis après ça a dérivé sur l'avion, donc... Tu t'es pas senti d'être pilote? Mais il y a rien. Non, c'est pas que je me suis pas senti, c'est qu'on m'a dit qu'on me sentait pas comme pilote. Mais il y voit rien, si maintenant il y voit, parce que tu t'es fait opérer des yeux. Ah bon? Bah oui, maintenant j'y vois, mais avant c'était moins le cas, donc ouais. On m'a dit... On va plutôt côté ingénierie, c'est pas mal. Ouais. Donc j'ai poursuivi là-dedans. Mais ça te plaît quand même, quoi. J'adore, je kiffe. Ouais, c'est trop bien. Je kiffe. Vas-y. Tellement que j'ai décidé de continuer et de faire passer mes licences prochainement. Ah, et donc là, pour le coup, de devenir pilote. Ouais. Pilote de coucou, mais pilote quand même. T'es trop classe. Trop bien. Et alors, c'est quoi exactement ton job? Enfin, ton, Tu fais quoi vraiment? Alors, mon métier, on va dire celui que j'ai quitté dernièrement, parce que actuellement je suis en recherche. Mon métier à moi, c'est de m'assurer que les améliorations qu'on apporte à l'avion sont sécuritaires pour les gens, pour les passagers. Ouais. Et surtout, m'assurer que l'avion évolue tout le temps pour qu'il puisse répondre au maximum au tout ce qui va être certification et règles pour que les passagers soient le maximum en sécurité et dans un confort maximum aussi. Okay. Donc le but, c'est de passer, tout d'abord d'essayer les améliorations sur simulateur où il n'y a pas de risque de perdre l'avion. Mm-hmm. Et puis après, de passer sur un avion d'essai, un avion qui accepte les nouvelles améliorations et qu'on peut tester en vol dans les conditions de test. Et toi, tu as fait des tests en vol quand tu étais ici. Ouais. Et c'est comment ça? Ouais. C'est incroyable. Ça se passe comment exactement? Enfin, c'est genre, tu es avec un pilote et... Alors, comment ça se passe? C'est quelque chose qui se prévoit un petit peu à l'avance. Ouais, j'imagine. C'est pas genre, allez, Polo, viens. Ah, tiens, on va tester le coucou, là, pendant le post-café. Comme je t'ai dit, ça se passe d'abord sur simulateur. Donc, sur simulateur, on va dessiner le test qu'on veut réaliser. Et moi, en tant qu'ingénieur, je vais venir le tester. Donc, je vais venir piloter l'avion. Ouais. Dans les conditions qui nécessaires. Et je vais m'assurer que l'amélioration réponde aux normes, quoi. Ouais. Par exemple, ça peut être si j'éteins un moteur, est-ce que mon avion continue de voler? Ben, okay. Ça, c'est une des améliorations. Il faut que, faut que l'avion continue de voler après qu'un moteur soit éteint, voire même deux. Okay. Donc, je teste ça sur simulateur. Et quand je le valide, on passe après avec les pilotes. Les vrais pilotes, eux, par contre, qui eux vont le réessayer. Et quand eux l'ont validé, on va passer sur avion d'essai. D'accord. Donc là, on se rappelle à une réunion. Donc on va venir instrumenter un avion d'essai. Donc c'est un avion qui est complètement vide. Il n'y a pas de siège, il n'y a rien du tout. C'est vraiment vide, vide, vide. Ouais. Il y a uniquement des ordinateurs, des calculateurs, des moyens de mesurer les essais. Ouais. Et on va venir faire une réunion, on se rappelle un briefing avant essai. Donc on va venir les ingénieurs, les pilotes, on va discuter d'essai et on va leur dire, ben voilà, c'est ça que vous devez faire. Donc par exemple, comme pilote connu, je pense que vous en connaissez un qui est vraiment, vraiment connu. Il vient d'ici en plus, il vient de Toulouse. Mmh. Parce que c'est Thomas Pesquet. Thomas Pesquet. Oui, on l'embrasse d'ailleurs. Ouais, il est un ancien pilote d'essai. Avant, il était pilote d'essai. Classe. Et à Toulouse. Donc, c'est ça, pilote d'essai en fait. Putain, mais je suis con. J'ai jamais fait le lien, mais oui. J'ai toujours entendu genre pilote d'essai. Je dis là, ouais, ça sonne classe. Mais en fait, ouais, c'est un pilote qui teste les avions. Bah oui, je suis con. Voilà, c'est un pilote qui a des capacités. Un peu supérieur aux autres pilotes parce qu'il est capable de faire voler l'avion dans ce qu'on appelle un mode dégradé. Ouais. L'avion, il est plus fonctionnel, il est plus dans ses limites, il est hors limite. Putain, mais je l'aime encore plus du coup, Thomas Pesquet. Ouais. Trop classe. Ah, c'est extraordinaire. Du coup, voilà, donc là, on a fait notre réunion briefing avant vol. Ouais. Donc là, on monte dans l'avion. Donc là, tu te chies dessus un peu, non? T'as mis une couche avant de monter? Alors, avant ça, il y a un truc qui est très différent par rapport à un vol classique, c'est que déjà, il n'y a pas de sécurité. On ne passe pas un check, on ne passe pas un portée sécurité, on ne passe pas le détecteur de métal. Marion, elle a cru. Et quand tu as dit il n'y a pas de sécurité, Marion, elle a cru que genre, il n'y a pas de ceinture. Non. Mais non. Merci. C'est parce qu'elle a fait genre. On rentre pour une grosse débile. Merci. Mais non, mais il n'y a pas de sécurité. Ouais. Non, il n'y a pas de check comme ils font, tour des avions, machin. Avant ah non, mais si, le non, tour des avions, oui, mais il n'y a pas de sécurité. Genre, tu ne passes pas la sécurité. Ah, mais non, mais ça, d'accord. Ah oui, voilà, on passe tout à fait. Ok, pardon, vas-y, continue. On fait ce qu'on appelle un walk-around. On va venir tourner autour de l'avion et voir différents points pour être sûr que l'avion est entier. Ouais, ça fait chier, tu sais, il manque une aile en fait. Ouais. On s'est pas rendu compte. Il n'y a pas d'animaux aussi, des fois ça peut arriver, d'animaux qui ont une nichée dans l'avion et tout. Ouais. Donc voilà. Donc là, après on monte dedans, Donc là, oui, là, tu te situes. Grave. Une première fois. Après, tu t'attaches. Donc là, généralement, tu refais les checks de tout ce qui va de sécurité. Donc, tu vas venir essayer ton masque d'oxygène. Tu vas venir les ceintures, etc. Et en même temps, tu as quelqu'un qui vient t'aider, qui est un technicien qui vient t'aider à vérifier tout ça. Bon, lui, il garantit que l'avion, il est conforme en termes de sécurité, que tu as tous les... Dans les vols à haut risque, on va avoir le parachute. Moi, ce n'est pas le cas, je ne suis pas du tout de vol à haut risque. Okay. Mais les premiers vols des avions, tout ça, il y a toujours... les gens font les vols avec leur parachute sur le dos. Putain. Est-ce qu'ils signent une clause avant de monter dans l'avion, genre, meurs... Oui, c'est compris dedans. Par exemple, à chaque fois que tu montes dans l'avion, tu as une prime qui est liée au risque. Donc, il y a une prime qui peut être très élevée. Là, quand tu as des premiers vols, l'avion, pour la première fois, on ne l'a jamais vu voler, comme le 380, le 350 dernièrement. Ouais. Ben, là, tu as des primes qui s'envolent qui peuvent être vraiment très, très, très élevées. Putain, trop classe. Oui, non, mais bien sûr. Ouais. Mais tes enfants. Putain, mais alors, mais moi là, je suis en train de m'imaginer Ryan Gosling en train de faire tout ça. Pour moi, les pilotes, c'est tous des Ryan Gosling. Voilà. Non, pas tous. Quelques-uns, oui, mais pas tous. Je confirme. Laisse-moi vivre dans mon monde, merci. Ok, et donc toi, t'en as fait des vols comme ça, genre. Ouais. Et ensuite, t'es dans les airs et t'es là, wouhou! Eh ben, ouais, alors du coup, voilà, le vol qui s'est passé, mon principal vol, j'étais derrière, tout d'abord, j'ai commencé derrière le pilote. Ouais. Donc, il y a une rangée, pas une rangée de sièges, mais il y a deux sièges derrière le copilote. Ouais. Donc, j'étais là, donc au décollage, donc c'est hyper impressionnant parce que c'est des avions qui sont vides. C'est des avions qui sont vides et qui sont très très légers, du coup, et donc ils accélèrent très très très fort. C'est vraiment très très puissant. Et puis après, j'ai fini ce qu'on appelle le vol sur ce qu'on appelle la zone, c'est le bureau d'essai, si tu veux. C'est un bureau avec tous les écrans où on vient enregistrer tous les paramètres et on vient voir en direct, en fait, les paramètres vivre, comme la puissance, l'altitude, la vitesse, voilà. Putain, trop classe. Et le pilote, là, genre, il est avec ses lunettes de soleil, en train de, avec un chewing-gum comme ça, à la fin, il te claque un high-five. Ouais. Alors, c'était pas si pire. c'est ce qui arrive dans la majorité des cas. Il y a aussi des pilotes qui font du tourisme. Donc, par exemple, un jour, j'ai eu un vol là où le gars, en fait, il prenait des photos, on les passe au-dessus de Marseille, il fait des photos de Marseille, donc tu vois. Ah, nickel. C'est marrant. Ah oui, tranquille. Garde tes mains sur le volant. Regarde la route. C'était un pilote étranger. Il n'avait jamais vu Marseille. Il dit, j'aimerais bien aller voir Pile Marseille. Et il prenait des photos de Marseille. Donc c'est assez impressionnant. C'est assez marrant, quoi. Donc il dit, bon, on est en essai, là. Le mec, il prend des photos. Donc voilà, c'est... Bon, il y a un peu de tout, comme à l'extérieur. Il y a un peu de tout comme pilote. Ouais. Et tout ça, donc... De savoir tout ça, tu vois, genre tout ce qui peut mal se passer ou des trucs comme ça, est-ce que ça t'a donné une angoisse de l'avion ou pas du tout, tu t'en fiches Alors en fait, non, pas du tout. Au contraire, ça a un peu renforcé le côté sécurité, si tu veux, dans le sens où je suis confiant. Par contre, j'avoue que j'ai un œil un peu plus critique, donc... Parce qu'avant, je faisais tout ce qui était lié aux accidents. Et donc, j'ai un œil plus critique sur, tu vois, l'état de l'avion. Quand je le vois, quand je prends un avion, tu vois, j'hésite pas. Cette fois, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de renoncer à prendre un avion. Ah oui? Parce que, je le sentais pas. Lequel? Mais... Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais prendre un avion pour une distance européenne. Et l'avion avait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Et en fait, en le suivant sur les applications de radar, j'ai compris en fait qu'il y avait beaucoup de retard et qu'en gros, j'avais comme un truc comme 2-3 heures de retard. Donc, je devais partir vers 10-11 heures et l'avion est arrivé à 2 heures du matin. Et là, je me suis dit, non, ça ne me va pas parce que, si tu veux, le pilote, pour moi, il a dû vachement tirer. C'est toujours le même pilote. Ils sortent vite chez les gens. Ils rendent vite chez les gens. C'est vraiment ce qu'on appelle c'est vraiment un moment où tu vas avoir des erreurs qui sont faites. Ouais. Et j'avais pas envie de prendre ce risque-là pour une heure de vol. Quoi. Okay. Et donc, j'ai préféré pas prendre l'avion. D'accord. Mais malgré que c'est une compagnie respectable, mais voilà. Oui, mais au final, c'est pas forcément la faute de la compagnie, quoi. C'est, tu vois, quelle que soit la compagnie, non, c'est quand même toujours les mêmes avions. Pour moi, c'était un truc à risque, parce que pour moi, le pilote, il a tiré plus que cette peur et tout, donc il peut être fatigué, il peut être patati patata, et je me suis dit que j'avais pas envie de prendre ce risque-là. Ouais. La compagnie dise bah non, il n'y a pas de souci, c'est nickel. Comme tu sais que la compagnie n'a pas envie de rembourser les billets, ouais. Actuellement, ouais. Il faut se méfier de savoir comment. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi. On y fera attention. Donc, voilà. Moi, maintenant, après avoir pris l'avion avec toi et que tu m'as expliqué les différences entre les Airbus et les Boeing et les trucs comme ça, maintenant je sais reconnaître un Boeing et Airbus. Les Boeing, ils ont l'air méchants. ce qui n'est pas du tout cliché, tu sais. Genre, les Américains, ils sont méchants. Mais c'est vrai, les Boeing, ils ont l'air méchants. Ils ont. En fait, ça se voit sur le devant, sur le nez de l'avion. Et le Boeing, il est plus genre. Tu sais, on dirait un peu un piaf méchant, quoi. Il a des sourcils un peu qui. Il n'a pas de sourcils, mais. Ouais. Non, bah non. Non, il a un côté un petit peu, les anciens, hein, c'est un côté un peu agressif, très masculin, très, voilà, très flèche, pour montrer la puissance un peu. C'est, voilà. Il y a un côté marketing derrière tout ça. Concours de bite, exactement. Concours de bite à l'américaine, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Oui, il n'y a pas de raison pour qu'il ait l'air si méchant. Ok, et donc là, du coup, toi, tu as décidé de partir au Canada pour aller dans la concurrence quand même, parce que c'est ce que je me disais, tu as plus bossé pour Airbus là. Pas tout à fait, parce que Airbus a racheté Bombardier, a racheté le modèle de Bombardier qui est le C-Series, maintenant ça s'appelle l'A220, okay. Et donc en fait, principalement ici à Montréal, c'est un bassin très Bombardier, donc en fait maintenant c'est devenu un bassin aussi Airbus. Okay. Donc au final, je vais pas à la concurrence, je vais juste changer de pays, c'est savoir la même entité. Maintenant c'est Airbus Canada. Ok, ça t'aurait saoulé de travailler pour Boeing ou non, ça aurait été cool de... En fait, je sais pas, c'est deux entités différentes, deux entreprises avec deux ambiances différentes. Airbus, c'est une corporation, c'est plusieurs entreprises et pays qui sont associés pour former une entreprise, Airbus. Mm-hmm. Et Boeing, il y a un petit côté plus familial à la base, qui est une entreprise, je crois, de mémoire de famille, si je dis pas de bêtises, il faut vérifier, mais c'est une seule entreprise qui a grossi, si tu veux. Et c'est pas une corporation, c'est pas une association de plusieurs entreprises, c'est une entreprise, toi comme moi, qui sont lancés là-dedans, et voilà. Ouais, toi comme moi. Ouais, bon. Enfin, pas, moi, pas non, tellement. Non, mais... Toi comme moi, mais... À la base, c'est des lambda, quoi. Ok, d'accord. Et donc, voilà. Et donc, c'est très différent. Surtout qu'actuellement, Boeing est dans une galère très, très compliquée. Ils ont du mal à passer au-dessus de leurs deux crashs qu'ils ont eus, qui sont liés à un problème de design. Putain. Donc, c'est difficile pour eux, actuellement... Et puis surtout, il y a un truc, c'est que Boeing est américain et que les Américains sont très, très, très chiants sur la truc qui va être employé des étrangers. D'accord. Tu n'as pas ta carte verte, tout ce n'est pas américain, tu es tout le temps soumis à l'export contrôle et c'est très compliqué, ça freine l'embauche. Ouais, tu m'étonnes. Super, land of the free, l'American dream. Ouais. Ok, non, ça a des bâtons dans les retours. Oui, pour les Américains, ouais. Pour les Américains. Et et donc là, as-tu trouvé du boulot dans ta branche? Presque. Non. Non, presque, ouais. Je fais des essais, mais je fais des essais en épicerie. Ok. Je m'assure que les boîtes de conserve soient bien alignées. Il fait des crash tests, pour éviter tout risque d'effondrement dans le rayon sur le client. Ouais, bon, mais en même temps, pendant le confinement, là, c'est un peu chaud de se faire recruter. Donc, c'est ça qui s'est passé, voilà, c'est que je suis arrivé en fin janvier, le temps de m'installer, de prendre la dynamique et tout, bah, on est arrivé au coronavirus et j'étais sur des dossiers pour être embauché, mais le fait est que d'un seul coup, tout s'est fermé. Ouais. Tout le monde est parti en télétravail parce que nous, on a... C'est un petit peu différent de la France ici en termes de vécu de coronavirus. On n'est pas confiné. Il y a un self-isolement. Les gens sont... s'isolent de façon volontaire. Ok. Et les gens étaient en télétravail très, très rapidement, je crois, de mémoire, début mars, je dirais. Ok, donc, ouais. Mars, tout le monde est parti en télétravail. Les usines sont à l'arrêt quasiment. Ouais. Hormis les travaux qui sont à la maison. Mais parce que, en plus, il me semble, je crois que c'est la femme de Justin Trudeau qui a été testée positive, ouais, non c'est... Donc, c'est un peu ça qui a pas précipité, mais qui a favorisé. Si tu veux, comme ici, ça fonctionne par province et État fédéral. Ouais. Si tu veux, et que ici, en fait, c'est un peu comme chez nous avec les régions, par exemple, l'Aquitaine, Grand Est, tout ça. Mm-hmm. Sauf qu'ici, ils ont des pouvoirs plus importants, le provincial. Ouais. Et le provincial, pardon. Et en fait, si tu veux, ils ont moyen de faire un peu plus de pression sur le fédéral. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont moyen de. Si ça se soucie ici de pousser un peu le fédéral à prendre des décisions s'il tarde à les prendre. Ouais. Donc, par exemple, ici, le Québec est très actif parce que c'est l'une des régions les plus peuplées du Canada. Ouais. Donc, ils ont une grosse force. Et par exemple, ici, c'est Legault, qui est quelqu'un d'un homme fort. C'est François Legault, qui est un homme fort et qui a une certaine poigne et qui a donc incité à ce qu'on ferme, par exemple. Pareil pour l'Ontario qui est la deuxième région, je crois, de la plus peuplée, avec Toronto. Et pareil, voilà, les deux ont poussé pour qu'il y ait des actions fermes et immédiates prises pour bloquer le coronavirus. Okay. Qui fait qu'actuellement, on a une part de décès, mais ici, c'est quand même pas mal bien géré. Ils tiennent bien la pandémie. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de gens infectés, mais pas beaucoup, forcément beaucoup de décès. Ok, parce que le système de santé, donc du coup, il est dans les mains de chacune des provinces, si je ne m'abuse. Oui, ouais. Mais par contre, s'il devait y avoir une mesure de confinement général, ça viendrait du pouvoir fédéral. Ouais. Ok. Voilà, tout à fait, c'est ça. Oui, ça, c'est que le Québec ne peut pas décider de se mettre en confinement. Si, le Québec peut décider de se mettre en confinement tout seul, mais si le gouvernement fédéral décide de faire d'imposer le confinement, c'est toutes les provinces qui doivent le suivre, j'imagine. Ouais, mais par exemple, tu vois, ils vont jouer d'habilité, parce que par exemple, si tu veux, l'État fédéral, il ne va pas forcément fermer les frontières. Ouais. Par contre, les aéroports sont gérés par les provinces. Qui ferment. Donc, ça veut dire que. Donc, en fait, elles vont pas forcément fermer. Ils vont revenir contraindre très fortement les étrangers, qui va réduire énormément le débit de gens. Okay. Ils vont contraindre les compagnies aériennes, tout ça, parce qu'ils ont, voilà. Donc, en fait, ils vont pas pouvoir fermer eux, mais par contre, ils vont pouvoir venir faire des contraintes, qui vont avoir des répercussions quasi pareilles, quoi, tu vois. Ok. Typiquement, ils avaient dit, le fédéral ne voulait pas fermer les frontières. Par contre, les provinces, ont dit, nous, on limite les accès des vols internationaux à quelques aéroports comme Montréal. Comme ça, on peut canaliser le flux sur Montréal ou sur Toronto, par exemple. D'accord. Tu peux pas atterrir à Québec. Ok. Et donc, du coup, les magasins, etc., sont ouverts quand même, toujours ou... Non. Ah oui, alors, du coup, au niveau pandémie, tout le monde est en télétravail. Mm-hmm. Il y a eu une sélection des magasins dits essentiels et non essentiels. Donc, tout ce qui est bar, cinéma, tout ce qui est récréatif a été fermé depuis longtemps, je dirais début mars, mi-mars. Ouais, à peu près comme ici, ouais. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a eu ? Donc, il reste que les commerces essentiels et les travailleurs, on va dire, comme je disais tout à l'heure, essentiels, c'est que les magasins de type alimentaire. Ce qui est assez marrant, c'est aussi l'alcool qui était considéré comme essentiel. Ah, super. Les magasins liés à l'alcool comme la SAQ qui est la Société des Alcools de Québec. Ouais. Et la SQDC. La SQDC, c'est toutes les vendeurs de marijuana. Ouais. Ok. Je considère comme essentiel aussi, pareil. Ouais. Bah, donc, à la limite, voilà. Je trouve ça plus, plus logique que les trucs de marijuana soient considérés comme essentiels que l'alcool. Ouais. Enfin, même si, voilà, mais à la limite, tu peux avoir l'excuse de dire c'est pour, c'est pour mon cancer, ouais, voilà, ou des trucs comme ça. Eh ben, figure-toi que je ne connaissais pas, parce que je ne connaissais pas du tout, cette maladie-là. La drogue. Mais il paraît que, non, l'alcoolisme, je ne savais pas que tu ne peux pas priver quelqu'un qui est alcoolique d'alcool direct. Ah non. Ah oui, oui, parce que oui, c'est vrai que c'est, que, ouais. C'est en considérant voilà. L'alcoolisme comme une maladie, oui, c'est vrai que dans ce sens-là... Mais je ne savais pas qu'on ne pouvait pas faire ça, donc je pense qu'il y a une part de ça. Après... Il faut savoir que ça permet de faire rentrer de l'argent malgré la pandémie. Mm-hmm. Et que cet argent-là, l'État en a besoin parce que l'État, chose qui est vraiment, vraiment bien réfléchie, c'est qu'ils ont, ils donnent de l'argent assez facilement actuellement pour n'importe quel cas. Donc que tu sois perte de travail ou quoi, malgré que ce soit un pays libéral et qu'on peut penser que du coup c'est chacun pour sa gueule, c'est pas du tout ça. Ici, par exemple, il y a une forme d'aide qui est donnée. Je connais pas exactement les conditions, mm-hmm. parce que je suis pas énorme. Mais par exemple, même les PVT, par exemple, ont droit à cette aide. Les gens qui travaillent en PVT, qui sont considérés comme temporaires et non résidents, non canadiens, ont droit aux aides mensuelles. Là, qu'on appelle ça des aides d'urgence. Comme des allocations, d'urgence. Ouais. Ok. Et c'est quand même 2000 $ par mois. Hein. Ah ouais, donc, quand même, ouais. Ah oui, tu vis bien, non, tu vis bien, 2000 $ par mois, c'est, par exemple, moi, en tant que commis d'épicerie, c'est plus fort que mon salaire, c'est pas du tout le SMIC. Ouais. Le SMIC, c'est mon salaire, ça fait à peu près 12 $ de l'heure, ouais. C'est à peu près 1 004, je crois, de mémoire, donc voilà, c'est à peu près 600 $ au-dessus du SMIC. Ouais, c'est pas mal, putain. Ouais. Ah non, et c'est pour tous les gens qui travaillaient, il y a certaines conditions, mais voilà, qu'importe si t'es canadien ou pas, le fait que t'as un travail, ça fait que t'as le droit à cette aide-là. Ok. Ouais, bah donc, c'est ça classe. Permet de ces personnes de côté. Les étudiants, c'est pareil aussi, les étudiants ont une aide actuelle, parce qu'il n'y a pas d'étudiants qui, comme les études sont payantes, travaillent. Donc, il y a pas mal d'étudiants aussi qui reçoivent cette aide-là, parce qu'ils avaient un travail avant, et donc. Putain. Comme quoi, hein, franchement. Non, ouais, moi aussi j'étais vachement étonné au début. On m'a toujours dit, quand tu parles du Canada, il y a plein de gens qui disent que c'est très libéral, c'est très pour les États-Unis, tout ça. Moi je pense que c'est un mix entre les deux et même le système de santé, par exemple, tu vois, on est quand même très très bien suivi, les hôpitaux sont pas saturés, il y a de la place. Ils ont mis en place, par exemple, pour la pandémie, hein, quelque chose qui est vraiment top et qui a très bien marché dans d'autres pays, qui est le driving, tu peux te faire tester du coronavirus en direct dans ta voiture. Donc il y a des fils sur la route où il y a écrit test du corona, et tu vas sur la gauche là et donc on te teste en direct dans ta voiture. Oui, et comme ils ont fait en Corée du Sud. En Corée, ouais. Voilà, exactement. Ouais. Ouais, exactement. Tout ça, c'était mis en place rapidement. Les caisses sont entièrement imperméabilisées, c'est qu'elles rentrent dans une espèce de cage de plexiglas, sont complètement découpées de ça, indépendantes des caissiers. Ouais, ça aussi, ici, ils sont en train de le faire pas mal quand même. Enfin, bon, pas dans tous les endroits, mais nous, ici, en bas, on a la ferme Attitude, qui a une petite épicerie et tout, et ils ont mis des trucs de plexiglas. Ah, ok, bien. Ça, mais c'est pas le cas partout. Hein. À Inter, par exemple, les pauvres, c'est ce que je me disais, putain, mais. Ah ouais, les gens qui bossent, non, franchement, puis en plus quand tu vois la gueule du Inter de Saint-Cyp, tu sais, genre les rayons, ils sont microscopiques, tout serré, et puis alors les gens s'en branlent, tu vois, genre quand j'y suis allée au début du confinement, là, vraiment, ça fait genre 3 jours, et je me suis dit, bon ben, j'y suis allée pile poil tôt un matin avant qu'il y ait la queue jusqu'à dehors. Et je me disais, il y avait des gens dans un rayon, il y avait genre déjà 2 personnes dans un rayon, je dis, bon ben, je vais attendre qu'une personne sort du rayon pour y aller, tu vois, parce que déjà on a que ça à branler, et puis tu vois, genre sécurité machin. Putain, il y a un mec qui est passé devant, il avait des écouteurs, il m'a bousculé, il s'est précipité dans le rayon machin, il s'en battait la race. Et là pareil, quand j'y suis retournée la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, il y avait au taquet de monde. En fait, il filtre pas à l'entrée, en fait, c'est-à-dire que le mec à l'entrée de l'Inter, genre, il dit pas aux gens, genre, ah ben non, arrêtez de rentrer, il y a trop de gens dans le magasin. Non. T'es là, mais... Ah ouais. Mais putain. Bah, pour te dire, moi, j'ai une nourriture qui équivaut entre l'Intermarché Saint-Cyp et le Carrefour Ferpant. Ouais. Enfin, Ferpant, le Carrefour Compense. Ouais. Et en termes de taille. Et il y a tout un protocole pour rentrer dans le magasin. Donc, il y a un nombre limité. Pour limiter, c'est simple. Ils ont pris le nombre de caddies qu'ils avaient. Et c'est le nombre de personnes maximales. Donc, c'est-à-dire à peu près une vingtaine de gens maximum dans le magasin. Ok. 20 ou 30. Donc, les gens attendent. Après, c'est vrai qu'il y a une discipline plus importante ici. C'est que les gens, par exemple, attendent dehors en ligne avec plus de 2 mètres d'écart. Ouais. Et il n'y a pas du tout de pression ou quoi, mais j'attends, et ça dure 1 heure, ça dure 1 heure, ça dure 2 heures, ça dure 2 heures. Okay. Et voilà, donc ça c'est le minimum qu'il y a. À l'entrée, tu rentres, on te désinfecte les mains, et après tu prends un caddie qui est javelisé, et après tu fais tes courses. T'as à peu près 15-20 minutes pour faire tes courses. Et dans les lieux les plus achalandés, pardon. Comme un magasin du type Carrefour Purpan ou le Auchan de Balma. De Balma. Attends, Balma. Ah oui, c'est Balma, oui, Balma. J'ai oublié le nom déjà. Comme le Auchan de Balma, par exemple. Là, tu arrives, tu te laves les mains dans un espèce de dévier qui a été installé spécifiquement pour ça. C'est un lévier médical. Ouais. Où tu te laves les mains avec un produit. Tu te les sèches, on te file du gel, et après on te met des gants en plastique, et là on file un caddie qui est javelisé. C'est le niveau dessus quand même. Le personnel est à au moins 1 à 2 mètres d'écart, et t'ordonne réellement de faire ça. Il y a une personne à chaque étape qui vérifie bien que tu fais ça. Donc il y a une personne au lavabo, il y a une personne au gel hydroalcoolique, et une personne aux gants et une personne au caddie. Puis il est fini, donc tu pars rentrer comme ça, comme un zouave. Ouais. Là, j'étais au Leclerc de Blagnac. On balance des noms de tout le tour de la région Toulouse. Toute la région Toulouse dans un grand magasin. Ouais. Mais j'étais au Leclerc de Blagnac, et donc il y a un grand Leclerc. Et là, ils ont javelisé tous les caddies, etc. Et il y a une personne, genre un caissier sur deux. Pour pas qu'ils soient trop proches. Ouais. Mais après, à côté de ça, les caissiers, donc s'ils ont des gants, si eux, ils en ont, quoi. En gros, ça m'avait pas l'air d'être l'entreprise qui leur avait filé des trucs, vu qu'ils en avaient tous des différents et il y en avait qui en avaient pas. Ah ouais, au niveau des masques, tu vois, genre, il y en avait qui avaient des masques faits maison et d'autres qui avaient. Et d'autres qui en avaient pas. Il y avait une nana, elle avait réussi à avoir une visière, là, en plastoc, des trucs comme ça. Mais en soi. Ils n'ont pas du tout de protection. Ils ont tous, là, à l'inter qu'on a en bas de chez nous, ils ont tous des masques. Mmh. Mais c'est pareil, tu vois, ça se voit que ce n'est pas des masques qui ont été filés par l'entreprise parce que ce n'est pas tous les mêmes. Mmh. Et il y en a, c'est des filtres à café avec deux élastiques, quoi. Donc, voilà. Non, ici, il n'y a pas de pénurie de masques, ni de gel hydroalcoolique, ni de gel aigu. Il y a eu au début, quand ça a commencé, les gens sont un peu sautés sur les rayons, donc ça s'est vidé. Mm. Et très rapidement, au bout d'une semaine, il y a eu tout ça. Donc là, tu vas l'équivalent de la pharmacie, parce qu'ici, les pharmacies sont beaucoup plus grosses que chez nous. C'est là où tu achètes tous tes produits cosmétiques et tout, tu vois, c'est vraiment, ils font un peu tout. Ouais. Même les surveillés, des fois. t'as des masques partant, masques chirurgicaux ou médicaux, ou les FPP2, là, je peux pas là. Putain, c'est clair, c'est ouf. Alors que nous, ici, il y a du trafic de masques. Antoine, notre pote policier à Paris, il est sur des cas de trafic de masques. C'est incroyable, c'est un truc de fou. Ouais, c'est incroyable. Et il y a un autre truc aussi qui est différent, ici, ça peut faire très très mal, c'est l'amende. L'amende, ici, il y a des amendes. Alors, on n'est pas en confinement, par contre, on est en distanciation sociale, comme ils disent. Mm-hmm. C'est même bon rentre. Mais en gros, tu dois respecter, hormis avec les gens avec qui tu vis au quotidien, donc tes colocataires, ta femme et enfant, ou ton mari, et tu dois respecter cette distance. Et sinon, tu peux te faire arrêter dans la foulée et prendre une amende directe. Et la première amende est à 1000 dollars. Wow! Oh, ouais, effectivement, c'est. Ah ouais, voilà. C'est un site, quoi. Et elle va jusqu'à 6000 dollars. Si t'es trouvé en train de rouler une pelle à un inconnu. Ouais, voilà, ça coûte roulage au sol. Et il faut savoir que ce n'est pas du tout une mesure mise en l'air pour faire peur. Oui. C'est-à-dire qu'ils la mettent. Il n'y a même pas de peur. C'est-à-dire que il y a plein de cas qui commencent à émerger sur les forums, surtout bizarrement sur les forums où il y a de fortes populations françaises, parce qu'on a tendance à vouloir un peu braver les, on va pas se mentir, on a ça dans le sang, hein, on vient braver un petit peu les interdits. Quelques histoires, voilà, il y a un grand parc ici qui est un peu sur le quartier français, qui s'appelle le parc La Fontaine par exemple. Bon, il y a un groupe de mecs qui ont fait un barbecue, 6 000 $ direct. Ah, hein, les connards, c'est bien cher, voilà. Aussi, hein, enfin, bon, ouais. Et ça va plus loin parce que par exemple il y a eu dernièrement il y a quelqu'un qui a fait une soirée chez des amis. Okay. La police a attendu dehors que le mec finisse sa soirée et quand il est sorti il avait aucune preuve de résidence là et il y avait toutes les preuves un petit peu de que c'était quand même une soirée non essentielle, on va pas se mentir, il y avait de musique et tout ça, la personne était légèrement alcoolisée. Il a pris 1 500 $ d'amende parce que c'est une réunion non essentielle et que on est actuellement, il faut se mettre de la distance entre les gens. Donc le mec est sorti et il était là et il avait aucune preuve de résidence dans ce bâtiment. On lui a mis une amende. Putain, génial. Bah, mine de rien, écoute, si ça marche. Ça marche très très fort. Putain. Dans la rue, il patrouille, il te regarde vraiment fixement, si jamais, de façon insistante, si jamais il considère qu'il y a une distance qui n'est pas respectée, et vaut mieux dans ces cas-là faire une distance, parce que ça coûte très cher. Ouais. C'est la police royale montée là, sur les chevaux, comme ça, il te regarde. Non, c'est plutôt comme dire Antoine, comme son rêve absolu là, en bon chercheur, énorme voiture avec les lunettes de soleil, il te regarde comme ça. Et d'ailleurs, comme le pilote qui a le chewing-gum, tu sais, il te regarde, on se regarde. Alors. T'as compris ce que ça voulait dire, ouais, le visage. Donc voilà. Génial. Bah écoute. Ils sont pas mal les Canadiens, dis donc. Il y a aussi pareil, il y a comme un petit peu comme j'ai vu ça en France, il y a pas mal de dénonciations. Ah ouais, ça c'est horrible. Donc ça, on pourrait penser que c'est chaud. J'ai réfléchi dernièrement à cette question-là, savoir est-ce que c'était chaud ou pas, de pourquoi ils dénonçaient autant les gens. Ouais. Et en fait, j'ai surtout réfléchi à un truc, c'est que ici, ils dénoncent les gens, mais pas parce que forcément par jalousie, comme ça peut être le cas des fois. C'est vraiment par juste simple respect des règles et pour protéger les gens. Ouais. Et on va pas te dénoncer parce que tu fais un barbecue et que moi j'ai pas de barbecue. Je vais pas te dénoncer parce que tu fais un barbecue, moi j'ai pas de barbecue, donc je te dénonce, quoi. Ouais. Tu vois, en mode un peu seul. C'est vraiment parce que il y a des règles et qui sont assez carrées sur les règles et qui, pour l'harmonie de tout le monde, ils préfèrent que les règles soient respectées. C'est ouais, mais d'où aussi. C'est vraiment pas le même fonctionnement de société, parce que tu vois, nous ici, pour le coup, c'est vraiment genre confinement, vous restez chez vous, etc. Ouais. Et donc c'est acté et il nous faut des barrières, en gros, pour qu'on puisse les suive. Et encore, voilà, c'est pas forcément suivi à la lettre, mais alors qu'au Canada, ils disent OK, les gars, vous êtes pas confinés, mais par contre. Et du coup, ils se responsabilisent beaucoup plus. C'est vrai que c'est un peu moins, peut-être, un petit peu moins individuel. J'aime pas trop comparer les deux pays parce que c'est très différent. C'est très différent. Et puis surtout, ça fait un peu. Le mec, il est là, il dit c'est nul là-bas. Alors, j'y suis plus, en France, donc je peux pas vraiment savoir s'il y a assez ou pas. Par contre. J'ai oublié ce que je voulais dire. Non, mais oui, après, toi, tu as l'impression que ce qui est fait au Canada, c'est bien. Ah oui, c'est ça. C'est que, par contre, tu vois, ils ont relâché des données. Google a relâché des données un petit peu sur le déplacement des gens au Canada. Et ils ont observé qu'à peu près 70% du trafic habituel de mobilité, c'est suivi un petit peu par Maps. Et les données qui sont suivies par Maps, ça permet de quantifier un petit peu la circulation. Et en relâchant ces données-là, ils sont aperçus qu'à peu près 70% du trafic avait diminué. Okay. Donc, en gros, il y a 70% du trafic normal qui a diminué au Canada naturellement après les annonces. Sans avoir de directives de confinement strictes. Ouais. Ce qui me permet d'avoir toujours cette liberté-là de faire ce que tu veux pendant ce temps et pas de confinement strict. Putain, c'est classe. Donc, c'est pas mal. Classe. Donc, c'est vrai que c'est assez agréable. Ouais, j'imagine. Bah, du coup, vu que t'aimes tant le Canada, on va faire un petit quiz. Dis-moi. Donc, j'ai préparé un petit quiz sur le Canada. Je me suis bien éclatée. Ouais. Donc, tu vas y jouer avec Marion. D'accord. Alors bon, c'est des questions. J'ai trouvé ces informations sur Wikipédia, je vous le dis. Pas que, mais pas mal sur Wikipédia. On n'a pas le droit de tricher, je préviens. Voilà. De toute façon, je peux pas. Ouais, donc... Toi, tu peux pas, mais lui, il pourrait. Mais ouais, on triche pas. Okay. Alors, première question, assez simple. Combien de provinces et de territoires au Canada ? Voilà. Ah ouais, 13, je crois. 13, alors 13 provinces ou comment... 13 provinces. Je crois que c'est 13 provinces. Alors, c'est 13, mais c'est pas 13 provinces. Il y a 10 provinces et 3 territoires. D'accord. Oh merde. La liste, faites-moi la liste. Alors, il y a le Québec. Québec, l'Ontario, ouais. La Colombie-Britannique. Oui. L'Alberta. Ouais. Il y a le nom indien, Saskatchewan. Saskatchewan, ouais. Ouais, Saskatchewan. Il y a le New Brunswick. Oui. Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse, ouais. Nouvelle-Écosse, bien sûr, bien wesh. qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Labrador. Alors, c'est Labrador, pas que c'est Labrador, territoire. C'est Terre-Neuve et Labrador. Ah ouais, Labrador. Ouais, bien vu, Terre-Neuve et Labrador. Après, là, ça commence à être compliqué. Après, il y a tout... Voilà, après, je ferai plus... On a combien, là? Là, on est à 7. Ah, merde. Il y a encore du monde. Il y a le Nunavut. Alors, attends, non, on n'est pas... Attendez, je me suis gourée. Ouais, t'as dit Québec, d'accord. Colombie-Britannique, Alberta, ah ouais. Saskatchewan... Ontario. Ontario, ouais. Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve et Labrador. Donc, on est à 8, pardon. Ok, il y a le Nunavut. Alors ça, c'est un territoire. Ah, ok. Territoire, il y a tous ces territoires-là, là, je ne me rappelle plus le nom de Nunavut, et après, je ne serai plus dit après. Il vous manque, en province, il vous manque l'Alberta. Bon, on l'a dit, l'Alberta. Non, j'ai dit ça. Ah, pardon, alors, il vous manque le Manitoba. Voilà. Enfin, je lui le perds s'il déconne, là. Désolée. Et l'île du Prince-Édouard. Qui est aussi une province. Tu n'as pas dit ça ? Non, tu ne l'as pas dit. Non. Ah oui, non, ça, non, déconne non, pas quand non, même. Non, ouais. L'île du Prince-Édouard. L'île du Prince-Édouard, ouais. Ouais, et, j'habite en île du Prince-Édouard. Et donc, dans les territoires, il y a le Nunavut, il y a les territoires du Nord-Ouest. Ok. Ouais. Et il y a le Yukon. Ah ! Aussi. Ah, oui. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre un territoire et une province ? Bah non. Enfin, moi non, en tout cas. Je crois que le territoire, c'est géré par une communauté, par la communauté, comme communauté indienne ou autochtone. Par un gouvernement indien, tribal. Alors, tribal. C'est possible, mais en fait, c'est pas là la différence forcément. Donc, en fait, la différence, elle a un lien avec l'autonomie. Les provinces, elles sont indépendantes du gouvernement fédéral et des unes par rapport aux autres dans la limite de la loi constitutionnelle. Donc, c'est par rapport à la constitution et aux droits qu'elles ont chacune. Alors que les territoires, ils sont le fruit d'une loi du Parlement fédéral. Donc, en fait, voilà, c'est dû à une loi, une proclamation de mon cul. Et donc, en fait, les territoires sont directement sous le contrôle du gouvernement fédéral. Ah. Alors que les provinces, non. Ah. Donc j'imagine que ça se traduit, hein, les provinces elles ont des gouverneurs et des trucs comme ça, alors que les territoires non peut-être, et donc peut-être que les territoires sont des confédérations de Premières Nations ou des choses comme ça. Quoi. Enfin, dans le Yukon en tout cas, j'imagine que c'est ça. Oui, je pense, mais même Nunavut et territoire du Nord-Ouest. Ouais, Nord-Ouest, ouais, ça doit être ça. Voilà. Voilà. Habile. Donc voilà. Quel est le statut du Canada ? C'est quel type de... Genre gouvernement. Ah, c'est comme en Angleterre. Mm-hmm. Monarchie parlementaire. C'est démocratie. Ouais. Non, je sais plus, c'est. C'est monarchie. Monarchie ouais. Mais en gros, nous, la reine. La reine, elle a juste une image, d'ailleurs, elle a sa tête sur les billets, mais celui qui dirige, c'est le Premier ministre. Ouais. Oui, voilà. Alors, c'est une monarchie parlementaire ou une monarchie constitutionnelle. Okay. Et donc, le chef de l'État, c'est la reine Elisabeth II. Ouais. Et il y a le Premier ministre, donc Justin Trudeau. Justin. Ok, d'accord. Bon, ça, c'était les questions à peu près simples. Ça va, quand même, oui. Attention. Ouais, ouais, ça va. Allez, c'est parti. D'où provient le nom du Canada, d'après vous? Canada. Essayez de deviner. C'est un mot amérindien, Marion a raison, ouais, c'est un mot amérindien. Ça provient, ça vient de l'iroquois, alors Kanata, qui est en fait prononcé Ganada, okay. Qui veut dire village ou terre. Et en fait, c'est les autochtones qui ont accueilli Jacques Cartier en 1535, ouais. qui ont utilisé ce terme pour le guider vers leur village. Et en fait, il devait dire Ganada, Ganada. Ouais. Et du coup, Jacques Cartier s'est dit, oh bah... Ici, j'appelle le Canada. J'ai donc le Canada. Voilà. Et donc, il a dit, bah, partout, j'ai le Canada. Et eux, ils étaient là, bah, il est trop con, c'est juste le nom de notre village. Regardez-le, c'est débilos. Voilà. C'est le débile de breton. Le gros débile de français. Voilà. Très bien. Alors, question un petit peu histoire aussi. À quand remontent les premières explorations venues d'Europe? Et quels sont les trois peuples à entreprendre cette traversée de l'Atlantique? Vikings! Alors, il y a les Vikings, ouais. Alors, je ne sais pas la date, mais... La date, non, mais on va dire à peu près, hein, vraiment à vue de pif. Hein. J'en ai aucune idée. Les Français et les Anglais? Alors, ça remonte à après. Mais là, les trois peuples, c'est même avant que la France ou l'Angleterre existe, quoi. Donc, il y a les Vikings. Il n'y a pas les Basques. Les Basques, non? Yes, les Basques! Les Basques, ouais. Les Basques et... Les Normands. Et les oui, les Normands. Oh, voilà. Ouais, les Vikings, ouais. Les Basques et les Normands. Ouais. Donc, les premières explorations, elles remontent au premier millénaire. Donc, quand je vous ai dit que c'était vaste, c'est vaste, hein. Premier millénaire, les explorations des Vikings, elles sont racontées dans la saga d'Éric le Rouge. Voilà, abonnez-vous à Éric le Rouge. Et au Moyen-Âge, alors les Normands, j'ai rien trouvé sur eux, et en même temps, on s'en branle. Mais au Moyen-Âge, les Basques, ils viennent pêcher les grands bancs de morue au large de l'île de Terre-Neuve. Et ils fondent... Hein ? Je sais pas, la baleine. Peut-être la baleine aussi, oui. Mais les bancs de morue, en tout cas. Voilà. Ouais. Voilà. Et ils fondent la colonie de Plaisance, qui s'étend sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà. Ouais. Donc, forza les Basques. Il faut savoir qu'ici, ils ont colonisé donc Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est extrêmement attaché à la culture basque. D'ailleurs, les gens là-bas ont continué de fêter les fêtes typiques basques, même plus qu'en nouveau pays basque. Yes, c'est trop classe. Et on retrouve des traces aussi, parce qu'on a, ici par exemple, il y a quelques villes qui possèdent des terrains de pelote. Ah, trop bien. Comme Trois-Rivières, tu peux jouer à la pelote basque. Et ça, c'est un héritage de cette... Putain, j'ai même pas vu ça quand j'y suis allée. Je suis deg. Ouais. Quand je suis allée à Trois-Rivières, quand on y était, en fait, il devait y avoir un concert. Le soir où on y était, il y avait un concert de Céline Dion. Et on avait trop hésité à... Genre, on s'est dit, bah allez les meufs. Franchement, on est au Québec, on va voir Céline Dion en concert. C'est ouf, non? C'est un truc à faire. Bon, ça coûtait beaucoup trop cher, on l'a pas fait. Mais ok. Bah écoute, mais je vais devoir aller à Saint-Pierre-et-Miquelon. Aujourd'hui, ils fêtent, là, je suis sur une actualité là, au Québec, là, de Pays Basque. Ouais. Pas des Basques, pardon, parce qu'il y a des assos. Et aujourd'hui, ils fêtent l'Ibéri Egura. Ah, magnifique. Je sais pas ce que c'est. Bah ça doit être... C'est peut-être Pâques. Soit être Pâques, soit Pâques. C'est Pâques, en fait. Pâques en Basque. Pâques en Basque. Ok, voilà. Eh ben super classe. On les embrasse, les Basques. Tous, sans exception. Ils t'embrassent aussi, je pense. oui, bien sûr. Ok, alors bon, question pas histoire. Quels sont les deux symboles du Canada? La feuille d'érable. Ouais, la feuille d'érable, ça c'était simple. L'orignal? Non, pas l'orignal. Le castor? Oui, le castor. Est-ce que vous savez pourquoi le castor est le symbole? Absolument pas. Tu me casses les pieds, sérieusement. Il nous faut des barrages partout, ces connards. Oui, bon, c'est pas pour ça, hein. Raison. Ah, okay. Le décret. Je sais pas. Vous savez pas? Non. pour le trafic de podcasteurs. Yes. Oh putain, je suis forte. Exact, t'es trop forte. Oui, c'est l'historien qui bosse. C'est canadienne. Ouais. Alors en fait, c'est parce que donc, le castor, il devient l'emblème national officiel en 1975. Il y a une loi décrétée pour reconnaître le castor comme l'emblème de la souveraineté canadienne. Ah oui, carrément. Ah oui, non, mais les mecs, ils déconnent pas. Ils déconnent pas. Et donc, c'est pas parce qu'il n'existe qu'au Canada, c'est pas parce qu'il est, le castor, il vient du Canada, mais c'est parce qu'il est lié au commerce de la fourrure, qui est très important dans la colonisation de l'Amérique du Nord, mais également avant cela, dans les échanges entre les différentes Premières Nations. Donc, le castor... Oui, pardon. Hashtag sirop d'Inde. Ouais, exactement. Le castor devient l'emblème de la Hudson's Bay Company, qui est la compagnie de la baie d'Hudson, qui est en fait mandatée par le roi d'Angleterre pour développer ce commerce dans la baie d'Hudson au début du XVIIe siècle. Ah, donc voilà. Et en fait, le castor, donc, il est frappé sur les emblèmes de la Hudson's Bay Company, qui est en gros à la base du Canada, hein, le Canada tel qu'il est maintenant, quoi. Et donc, du coup, bah, voilà, c'est pour ça que c'est devenu, ça a été un emblème plus important que l'orignal, par exemple. Même si nous, on va penser direct à l'orignal plutôt que le castor quand on pense au Canada. Voilà. Ah, ok. Ça, c'était les deux emblèmes du Canada. Autre question, le Canada est number one au monde de plusieurs choses, enfin de deux choses. Quelles sont-elles? Question très vaste. Ils ont le record de quelque chose, enfin de deux choses. C'est quoi? Je vous donne un indice, c'est plus de genre géographique / naturel, quoi. Bah, la taille, quoi. Non, pas la taille. C'est pas la taille qui compte, Mario. Ah, merde. Ils ont un record mondial, quelque chose. De grands lacs? De grands lacs? Non, mais c'est pas possible. Ah. T'as lu des trucs, t'as bossé. Mais non, je te jure que non. De grands lacs, c'est le pays avec le plus de lacs au monde. J'ai réviser. Il y a 563 lacs de plus de 100 mètres carrés. Soit plus. Et donc, en fait, total des lacs du Canada, ça vaut plus de 18% de la réserve d'eau douce mondiale. Putain. Voilà. C'est pour ça qu'ils s'en battent les steaks de l'énergie. Exactement. C'est pour ça qu'ils font n'importe quoi. On chauffe dehors et qu'on paye pas l'eau. Oh, putain. Donc, voilà. Et autre record naturel du Canada? Au nombre de beaux gosses? Non, c'est pas ça. N'importe quoi. Pensez géographie. Ouais. Pas de forêt primaire? Non. Pas que je sache. C'est le plus grand pays du monde, hein? Non plus. C'est la Russie, ouais. Le prix du fromage? Ouais, oui, c'est ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas le pays avec le plus d'aurores boréales? Non, non plus. Alors, je vous aide, ça a un lien... Sur le jeu, là, ça m'énerve. Il y a un lien terre-mer. Ah, c'est celui qui a le plus de contact avec la mer. La plus grande frontière avec la mer. Yes! Plus grosse surface littorale, donc le plus long littoral au monde. Si tu marches sans jamais t'arrêter, donc vraiment tu t'arrêtes pas, hein, tu t'arrêtes pas pour dormir, tu t'arrêtes pas pour manger, tu t'arrêtes pas pour chier. Si tu marches sans jamais t'arrêter, tu peux marcher pendant 4 ans et demi le long de la côte canadienne. Me tente pas. Ça équivaut à plus de 202 km. Ah ouais. 202 000 km, qu'est-ce que je dis, 202 km, c'est pas 4 ans. Tu marches en plan quand même. Voilà, donc ouais, plus long littoral au monde. C'est incroyable. Et donc ça touche en fait l'océan Pacifique, Atlantique et Arctique. Voilà. Putain. C'est fou, hein. Et qu'est-ce qu'on s'amuse. Bon alors, dernière partie de mon quiz, et ça c'est plus drôle déjà, moi je me suis plus marrée. En fait, je vais vous donner des expressions québécoises et vous allez devoir me dire ce que ça veut dire. Bah, il va trouver tout. Voilà. Mais pas forcément. Non. Alors, je vais essayer de le faire avec un accent québécois. Oula. Parce que je trouve que c'est plus drôle. Oh, c'est Chris. Je t'écoute. Alors, parler à travers son chapeau. Je sais pas ce que ça veut dire. Parler à travers son chapeau. Parler à voix basse. Je sais pas, c'est... Non. Avoir une patate dans la bouche, là, ça veut dire un mot particulier, non? Non. Je vais essayer de trouver dans une phrase. Tu le connais même pas, là, tu parles à travers ton chapeau. Juger, c'est juger quelqu'un? Non. Critiquer quelqu'un? Non. Ben, oser. C'est le souci. Non. Non. C'est parce que t'en sais rien de la situation, là, tu parles à travers ton chapeau. Ah oui, tu imagines des trucs, quoi. Enfin, pas imaginer, mais tu... Plus ou moins, oui, ouais. Tu vois, oui, attends, c'est quoi l'expression? Tu présupposes des trucs, quoi. Ouais, en fait, c'est... Enfin, non. Non, en fait, c'est parler à tort et à travers. Et c'est, même si les Québécois, à la base, ils sont pas fans des anglicismes, en fait, ça vient de l'anglais. Talk through one's hat. Et donc, c'est genre parler à tort et à travers, genre parler sans savoir, quoi. D'accord. Voilà. Je sais pas. Oh, alors, deuxième expression. Il mouille à boire debout, là. Il mouille à boire debout. Il mouille à boire debout. Il mouille à boire debout. Il mouille à boire debout. Non, mais là, c'est pas au Québec, là, t'es au Lac Saint-Jean, t'es obligé. C'est le Lac Saint-Jean, c'est pas comme ça. D'après vous, ça veut dire quoi? Il mouille à boire. Je sais pas quoi dire. Non. Il a trop bu. Il mouille. Il a peur, non? Non. Ah. Alors, mouiller, c'est aussi, ça veut aussi dire pleuvoir. Donc. Ah, il pleut des cordes. Ouais, il pleut des cordes. Il pleut comme vache qui pisse. Il mouille à boire debout. Il mouille à boire debout, là. Cogner des clous. Cogner des clous. Je cogne des clous. Ah, je cogne des clous, là. Non, je vais vous donner la réponse, là, si je dis ça. J'en peux plus. J'en peux plus, là. Je cogne des clous devant mon ordinateur depuis une heure. Ah, attends. J'arrive pas à avancer. J'avance pas. Non. Galère. Je cogne pas du tout. Tu vois pas? Piétiner. Non, c'est plus que ça, encore. J'arrive plus à réfléchir. Non, moi je vais le dire direct, c'est dormir debout. Hein? Devant son ordinateur. Oh, mais c'était ça l'exemple qui était pris dans le truc. Bon, voilà. Cogne des clous, putain. Attache ta tuque avec de la broche. Pardon? Attache ta tuque avec de la broche. Attache ta tuque avec la broche. Il y a du vent. Alors, ouais, mais il y a cette idée de vent, effectivement, mais c'est pas genre il y a juste du vent. C'est parce que la tuque, c'est le bonnet, en fait. Ok. Enfin, ouais. C'est le chapeau ou je sais pas quoi, mais... Je sais pas, il y a du vent à décorer. C'est une tempête, quoi. Non, c'est pas tempête. C'est ça a à voir, genre... genre, on va... on va trop s'éclater, là, attache ta tuque avec ta broche. Ah, ça a décoiffé. Ouais, ça a décoiffé. Ça a décoiffé. Ouais, c'est l'équivalent de attache ta ceinture ou ça va décoiffer. Ah ouais, d'accord. Attache ta tuque avec ta broche. Incroyable. Alors ça m'a fait beaucoup rire. Avoir l'air de la chienne à Jacques. Pardon? Avoir l'air de la chienne à Jacques. Avoir l'air de la chienne à Jacques. Ah, mais c'est une tête de chien battue, non? Non, non. Avoir l'air de la chienne à Jacques. Ah, mais sérieusement, je ne connais rien du tout. Ça... Pourtant, j'en entends tous les jours. Hein. Mais alors là, ça, tu le laisses, c'est du nouveau. Avoir l'air de chienne à Jacques. J'adore. Je ne vois pas bien ce que ça peut vouloir dire. Là. Non, je ne sais pas du tout. Ça veut dire être mal habillé. Ah. T'as l'air de la chienne à Jacques, là. C'est bien dur, hein, ton quiz, là. C'est dur. Ouais. C'est bien dur. Avoir les mains pleines de pouces. Oui, bah, pas en branler une. Non. Avoir un poil dans la main. Non. Ne pas savoir quoi faire de ses 10 doigts. Genre, savoir rien faire de ses 10 ouais, doigts. Ouais, être maladroit. Être maladroit. C'est ça. Okay. Avoir les mains pleines de pouces. Alors, celle-là, moi, j'ai éclaté de rire. Sentir le swing. T'as déjà entendu ça, Valario? Tu sens le swing? Jamais. Sentir le swing, il y a des gens 180 ans. D'après toi, ça veut dire quoi, sentir le swing? T'as trop dansé, tu transpires. C'est le pied la transpi. Après, ouais, voilà. Ah ouais, d'accord. C'est le pied la transpi. Tu sens le swing? Toi, je vais dire ça maintenant, c'est génial. Sentir le swing. Alors, bon Dieu de Christ, tu sens le swing. Quelque chose que tu peux peut-être entendre dans la rue. Tout est de la haine. Tout est de la haine. Tout est de la haine. Ah non, t'as jamais entendu ça? Tout est de la haine. T'imagines que le nombre d'expressions encore par jour, et sérieusement, celles-là sont complètement inconnues. Je sais pas, j'ai trouvé ça sur les meilleures expressions québécoises. Tout est de la haine. Quand rien ne va, quoi. Non. Les gens sont méchants. Non, c'est pas ça. C'est Oh, ben, il y a tant de trafic, là, ils arrêtent pas de tweeter de la haine. Oh, Ah, mais genre, lane, ça vient de l'anglais, non? Non, de la haine. Tweeter de la haine. Ah, tout. D'accord, avec l'accent, j'avais pas compris, j'ai entendu lane. Pardon. Je sais pas. D'accord. Non, Tweeter de la haine. Je sais pas quoi te dire, là. C'est le bordel, quoi. Non. Tweeter, par contre, ça, c'est un. C'est un verbe. C'est un... Oui, c'est un verbe, mais c'est un anglicisme, parce qu'il y a le verbe to toot. Je vais vous le dire, ça veut dire klaxonner. Hein? Tout est de la haine. D'accord. C'est trop mignon. D'accord. Et la dernière, et ensuite j'arrête. Se sécher les dents. Se sécher les dents. Non, mais ça reste pas possible. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est des vrais. Mais oui, oui. Se sécher les dents. Tu sais, genre, ça se voit que tu mens là et t'es en train de te sécher les dents. Ah, t'es en train de. Tu mens? Non. Bah non, sinon je vous aurais pas dit ça se voit que tu mens. Ah, attends. Tu bafoues là? Non. Non, je sais pas. Se sécher les dents, imaginez là, comment tu te sécherais les dents? Bah, je laisse. Crispé. Oui, il y a un truc de crispé, ouais. Pas naturel, tu. Ouais. Tu as l'air faux, quoi. Oui, plus ou moins. En fait, c'est avoir un sourire forcé. Oh. C'est génial comme image. Ah, tu te sèches les dents. D'accord. Voilà. Bon, j'adore. Je me suis bien marrée. Putain, la langue québécoise est À faire ce petit quiz. C'était bien fun. Non? Et t'en as entendu aucune expression, toi, que j'ai dit là? Non, en fait, au quotidien, t'as pas forcément des expressions comme ça, ça peut arriver. Mmh. Parce que t'entends surtout, ça va être plutôt, tu vois, des expressions de dialogue, tu vois. Ouais, des mots. Genre, tu vois, la dernière fois, j'ai acheté un outil. Et le mec il me dit ouais et tout, alors en plus t'es au téléphone, je comprenais pas trop ce qu'il me disait, il me dit ouais les loose, ça je me dis qu'est-ce qu'il m'a raconté, la loose quoi, j'arrive. En fait ils vont mélanger pas mal d'anglais, pas mal de mots à eux, tu vois, ils ont tous des mots en fait, tu vois, où tu vas avoir du mal à comprendre ce qu'ils disent, ouais. Parce qu'en gros ils mélangent tellement de mots, ils ont d'autres expressions, tu vois, genre ou au magasin pour me dire je te l'ai mis dans le je t'ai mis le produit dans le rayon, je te l'ai mis sur le plancher. Ok. Ah, regarde. T'es là, je te l'ai mis sur le plancher. Tout ça avec écrit aussi, je te l'ai mis sur le plancher. Tu le regardes, tu fais. J'ai pas compris là. T'as compris. Il n'y a pas de plancher dans le gardage. Ok. Ok. Ouais, donc. Et après, les clients, ouais, il y a les clients qui me sortent des expressions des fois, ou même des produits, tu vois. Et ils te le disent naturellement, mais sauf qu'ils te le disent en anglais, donc t'es encore plus perdu. Je sais pas quoi te dire, mon pote. Est-ce que les gens se foutent de ta gueule, toi, de ton accent ou pas? Non, par contre, ils reconnaissent directement que je suis français. Par contre, ils font direct un effort. C'est-à-dire que dès qu'ils sentent que je suis français, ils essaient de revenir à des termes plus génériques. Tu vois, ouais. Que, voilà, quand ils me décrivent l'objet ou quoi, parce qu'ils savent très bien que ça va durer des heures sinon. Donc, tout le monde gagne du temps. Ouais. Donc, il y a vraiment un côté traduction, on va pas se mentir. Il ouais. y a vraiment un côté traduction avec les gens, quoi. Okay. Et voilà, ils sont. Ça ne les dérange pas et ça me fait même sourire. C'est toi l'étranger ici. Ok, ouais, bah ouais. Bah ouais. Non, mais c'est cool. Ils sont vraiment gentils. Ouais, ouais. Ouais, ils sont gentils. Ouais. Ouais. Ils sont gentils. C'est pas un mythe. Ok, bah écoute, on arrive à la fin là, de notre podcast quand même. Ça fait quand même 1h07 qu'on discute. Hein. Ouais. Tu vois, comme quoi, ça passe vite. Hein. Et du coup, est-ce que t'as une recommandation à faire, genre un truc qui, toi, t'a aidé pendant, bon, alors pas vraiment le confinement, mais voilà, des conseils, je sais pas. Conseils sur quoi, sur le confinement? Non, ou, non, tu sais, genre par exemple, un truc que tu, une série que tu regardes, ou un film que t'as regardé qui t'a plu, ou tu vois, genre des trucs comme ça, quoi. Au Canada. Pas forcément, mais genre en gros quelque chose que des gens ici pourraient se dire ah oh, bah tiens si je regardais ça ou si je lisais ça ou un truc comme ça quoi. Je dirais acheter un vélo. Mais non, on peut pas on peut pas aller faire du vélo. C'est ça la différence. Non, ah si. dernièrement, qui s'est trouvé excellent et qui parlait d'un sujet. Je crois que c'est le seul film que je connais sur ce sujet-là. Ok. Par contre, je connais plus le titre. Oh bah nickel. Ah, ça parle de quoi? Alors c'est un peu, c'est un film français sur. En plus, il a été privé, donc vous allez retrouver facilement le titre, c'est sûr. Ça parle d'un centre d'accueil de SDF pour les femmes. Ok. Avec où tu suis l'histoire de plusieurs femmes SDF, avec l'histoire en plus des gens qui gèrent ce centre-là, avec. Et tu suis l'histoire pendant quelques mois, un an, je sais plus, et il est vraiment très très fort ce film, et je vous le conseille. Et c'est un film, genre, c'est pas un documentaire, c'est une fiction. Non, c'est vraiment un film, tu vois, et tu vois en fait, je trouve qu'il est, il fait vraiment, il relate, je pense, très très bien. Je connais pas vraiment des histoires de femmes SDF, mais il traverse tous les problèmes que ça veut dire. T'as des femmes qui sont perdues aussi en tant que SDF, parce que en gros, elles étaient en réinsertion et puis ça n'a pas marché, tu vois. Par exemple, il y a des femmes qui sortent de prison, il y a tout ça. Il y a le problème de la sécurité, tout ça dans la rue, tout ça. Et vraiment hyper fort ce film, et j'ai été captivé de A à Z. Les Invisibles ? Sur ce truc-là. Oui, c'est ça. Ah. C'est ça. Ok. C'est ça, ouais. Je vous le conseille, c'est vraiment un super film. Ok. J'ai trop kiffé. J'ai pas du tout entendu parler. Moi j'ai entendu parler, ouais. Ah ouais, mais moi non plus, en fait, on l'a mis par hasard. Voilà quoi. Ok, bah trop bien. Je vous conseille. Et qu'est-ce qui a illuminé ta journée, Valerio? Alors, soit comme c'est le matin, tu peux tricher et dire hier. Votre appel. C'était pas du tout préparé, ça. C'est parce que tu m'as dit de dire. Mais chut, putain, dis pas ça. c'est pas mal, je trouve. C'est vraiment stylé de recevoir des appels comme ça, et votre démarche, je le trouve vraiment cool. Et bah, j'aime super. Beaucoup. Bah écoute, merci. Bah encore, t'as pas encore écouté d'épisode, donc tu tu sais pas, peut-être que c'est trollé en vrai, mais merci. Non, mais je vois déjà la structure que ça celui-là, donc je me dis que... Non, mais c'est super cool, parce que nous, ça nous permet de prendre des nouvelles de plein de gens partout. Ça nous permet de passer le temps aussi, parce que mine de rien, ça prend du temps. Et ça permet aussi aux gens qui écoutent, parce que bon, c'est nos potes qui écoutent. Hein. C'est pas, on n'a pas de prétention. On n'en sait rien. Ou d'autres gens, mais d'ailleurs, on les embrasse, on les salue. Les autres, ceux qu'on les connaît, les invisibles. mais du coup, ça permet aussi aux gens qui écoutent de prendre des nouvelles de leurs potes c'est ça. De loin, comme ça, genre, ah, trop bien. Ouais. Voilà, donc c'est cool. Marion, qu'est-ce qui a illuminé ta journée, toi? Qui c'est que cette question? Le gigot. Le gigot, bien sûr. Enfin. Pas mal. Le gigot. Pas mal. Bien sûr. Et moi, qu'est-ce qui a illuminé ma journée? Honnêtement, je pense que c'est la recherche des expressions québécoises. Ah ouais. Parce que j'ai l'impression que tu étais vachement engagée dedans. Non, mais j'adore, c'est trop drôle. Et encore, il y en avait plein d'autres que j'ai pas mises parce que voilà. Mais c'est trop drôle. J'adore les images qu'ils utilisent. Donc voilà. Autant Marion, je pense qu'elle a triché en allant chercher un petit peu l'histoire du Québec. Ou du Canada. Mais quoi? Putain, grave. Marion. Non, Marion. Si tu veux, tu peux me le dire en off après, mais à vous. Je te jure que non, Valerio. Faut à moitié pardonner. Jamais. Jamais. Non, mais elle est peut-être juste. C'est de la chance, peut-être. C'est de la déduction. En fait, je tenais des grands panneaux avec les réponses dessus pour les montrer. Le castor. T'as trouvé le castor? Non, c'est moi qui trouve le castor. C'est toi qui. La seule réponse que t'as trouvée. Non, j'ai trouvé. Voilà, pourquoi le castor? Pourquoi le castor était l'animal totem? Ouais. Bon, mais du coup, écoute, merci beaucoup, Valerio, d'avoir accepté de participer. Avec plaisir. On te souhaite bon courage dans ton épicerie sur le plancher. Sur le plancher, ouais. Et voilà, bon courage pour ce confinement qui n'en est pas un, mais qui en est un quand même. Ouais. Et reste bien à couvert. Et le premier dehors est fan de... Marc Groin. Ouais, mais il n'est pas trop connu. Moi, je pensais genre Natacha Saint-Pierre. Ouais, mais Marc Groin, ne serait-ce que pour les gens à y voir. Qui Isabelle Boulay. Isabelle Boulay. le premier dehors est fan d'Isabelle Boulay. Ouais. Allez, bisous, Valerio. Gros bisous. Ciao, bisous. Salut, bye. Ciao. Bye. Comanchero, Comanchero, Comanchero, Comanchero, oh. Comanchero.